Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu préfères regarder des films de Tom Cruise ou faire un podcast sur les films de Tom Cruise? On va faire un podcast. Allez, toute la vie. I feel the need for speed. I want the truth. First, take a big step back and literally fuck your own face. All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. Anchor Man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You. Last chance to walk away. Last chance to walk away. Ouh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais c'est la 41e épisode de Cruise Control. Bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Oh oui. Épisode numéro 41. Oui. L'épisode de la fin, finalement. Oui. La fin de la décennie des années 2010. Bah, disons, dernier épisode proprement... Oui, dans notre forme classique. Nous allons évoluer telle une petite chenille se transformant en papillon après 40 tentatives désespérées. Donc, de prouver que Tom Cruise, c'est la star, quoi. Ouais. Et on va vous parler pour ça, quoi de mieux que Mission Impossible, Fallout. Fallout. Le sixième épisode de la saga. C'était les 7, je sais pas pourquoi. À chaque fois, tu veux en rajouter. Ouais, hein, mais... je sais pas. Sorti en 2018, réalisé par le Cricri, le Stoffer, le Christopher McQuarrie, où Tom Cruise joue bizarrement le rôle de Ethan Hunt. Et sache que en version québécoise, il s'appelle Mission Impossible Répercussion. Mais non. Bah si. Ah, nos amis québécois traduisent absolument tout. Mais Fallout, c'est Répercussion en anglais. Un peu, non. Ouais. Ah bon? Ouais. Ok. My bad. Bah, tu fais pas confiance aux Québécois. Non, pas trop. Bon, épisode classique, hein, normal, tout va bien, on va faire comme d'hab, les rubriques. Alors, est-ce que tu avais déjà vu Mission Impossible Fallout? Mais oui. Mais bien sûr. Molte fois. Au cinéma, tu l'avais vu peut-être? No. Ah ouais? Non, je pense pas. Non. Ah là là, non, moi, non. Tellement je l'ai vu au cinéma. Ah bah oui, ah, bah, j'ai pas de doute. Ah bah bien sûr. Toi, tu vas beaucoup au cinéma voir ce genre de film. Complètement. Moi, pas trop. Ah non, mais moi, bah après... Mais non, j'irai, mais... Les trucs comme ça, faut y aller. Bah oui, il faut, t'as raison. Bon. T'es content de le revoir ou pas? Je commence à en avoir marre. J'avoue que. J'avoue que un là. Peu chiant. On les voit trop rapprochés. On ne peut plus en profiter. Non, c'est et clair. En plus, bah, là, ils se ressemblent tous un peu. Quoi. Là, la formule. Bah, on en reparlera, mais. Ouais, ouais, ouais. Je comprends. Et est-ce que le résumé. Va être simple. C'est le même? Non. Ou pas? Alors, simple, non. On est toujours sur le principe de l'agence de voyage. Hein. C'est à peu près. Partout. Ah, un peu moins que d'habitude, je ah, trouve. Ouais. Ouais. Il n'y a pas tant de... Berlin, Paris. Si, il y a Berlin, Paris. Belfast. Belfast. Oui, Belfast, deux minutes. Deux secondes, ouais. Bref. Ah, quand même. Bon, allez, on est parti. Yes, résumé, parti. Bravo Serena, bon courage. Merci. Alors, nous commençons avec une scène idyllique. Oh. Des montagnes, un lac, Tom Cruise et Julia, son amante du 3. Oui. Sa femme. Sa femme. Oui, non, c'était pas sa femme. Ah bon? C'était sa femme. Bon, c'est en pas. Tout cas, ouais. ils sont en train de se marier. Oh. Oh, et c'est qui les marie? Bah, je sais pas. C'est les méchants! Oh, c'est non Solomon Lane! Ah, le vilain! Ouh. Le vilain! Alors lui? Alors lui, vilain du dernier Mission oui. Impossible qui avait créé les syndicats et tout oui. ça, que Tom Cruise, à la fin, il l'avait pas tué. Il l'avait capturé. Il est encore vivant, il est vivant. Parce oui. que lui, il est pas comme ça. Non. Et Solomon Lane, en gros, il dit promettez-vous de la trahir, mentir, mener une double vie. Quoi? C'est un rêve. Ah, ça va. Ça va. On est à Belfast, justement. Alors, première destination, enfin deuxième, puisque le rêve, c'était... Mais oui, bon. Tom Cruise est dans un hangar, il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Il arrive avec son pistolet, en mode, c'est qui cet ennemi? Il y a une silhouette noire qui lui dit une phrase un peu cryptique. Je vais la dire, parce ouais, que allez, c'est drôle. Fais-toi plaisir. Les destins murmurent aux guerriers. Attends, les dessins de mon guerrier. Une tempête approche. Et le guerrier lui répond. Je suis la tempête. Ouais. C'est trop bien. Donc, il lui passe les paquets. C'est l'IMF, oui, bien sûr, classique. Qui lui propose une mission. Donc, l'anarchiste Solomon Lane a été capturé par Tom Cruise depuis il y a 2 ans. Genre un truc comme ça. Depuis l'arrêt, énorme conséquence. Fallout, c'est ça. Répercussion, tout à fait. Répercussion. Donc, les syndicats, ils existent encore. Il y a des agents corrompus qui veulent partout détruire les mondes, répandre les chaos. La CIA traque les mercenaires. Beaucoup restent inconnus, par contre. Et la cellule, il y a une cellule extrémiste de ces mercenaires qui s'appelle, comme par hasard, les apôtres. Mais c'est que le syndicat, c'est un truc extrême. Mais dedans, il y a des mecs encore plus extrêmes. Voilà. Et maintenant, ils font de la terreur à la demande. Et c'est ça qui fait très peur. Comme Netflix. Mais en version terreur, quoi. Oui, version terreur. Ah, c'est pratique. Hein. Donc, c'est eux qui ont répandu la variole au Cachemire, oui, en Inde. Une épidémie maîtrisée. Mais maintenant, ils ont un nouveau client. Ah. À un gars dont on ne sait rien, sauf les noms en code, qui est John Lark. Mm-hmm. Et on sait qu'il est l'auteur d'un manifeste apocalyptique. Ça dirait Mary Poppins. Apocalyptique. Tu sais le truc de Mary Poppins. Spidalido, ouais, voilà. qui dit grande souffrance, grande paix. Ouais. Bah, un peu comme tous les méchants de Mission Impossible. Depuis, exactement. Voilà. C'est les Thanos de Mission Impossible, il y en a plein. Voilà. Lark est responsable de la disparition d'un expert en bombe atomique, comme par hasard, le monsieur Niels Dulbruck. Et les apôtres, ils sont en contact avec la pègre, la pègre de l'Europe de l'Est, qui a en possession 3 sphères de plutonium. Okay. Donc ils suspectent qu'ensemble, ils vont faire quoi? Bah, je sais pas, exploser des bombes. Bah voilà. Allez. Et donc là, votre mission, si vous voulez l'accepter, monsieur Hunt, c'est d'empêcher les apôtres d'acquérir les plutoniums avec la pègre. Bien sûr. 5 secondes, fumée. Petite anecdote, la voix qui donne la mission est la voix de Cricri, Christopher McQuarrie. Eh oui, anecdote, c'est cadeau. Il a une belle voix. Eh oui, bah, c'est Christopher. Hein. C'est, ouais. C'est... 4, Berlin. 4. Il y a Benji. Avec Tom Cruise, ils attendent quelqu'un qui a un retard. Il y a Luther qui parle à travers l'oreillette. L'oreillette. Qui est dans un camion derrière, qui voit tous les caméras, les machins, les trucs. Ils sortent leur pistolet, il y a un peu de tension, les plutoniums n'arrivent pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pas? Une voiture arrive, les méchants descendent, ils ont la mallette avec les plutoniums, mais Luther. Il doit prendre. C'est lui qui a l'argent pour acheter. Il doit amener l'argent. Il répond plus. What? What the fuck? Luther, t'es là, donne-moi. Et là, on voit un méchant qui dit: on a Luther, donnez-nous le plutonium, on n'en parle plus. Et raconter comme ça, on dirait une bagarre d'enfant. Tiens, du chocolat. Bon, j'ai raccourci parce que c'est long. Oui, bah oui. Entre autres, une voiture télécommandée, quand même. Oui. Une voiture taille humaine, mais télécommandée. Ta taille normale. Oui, une vraie voiture. Une vraie voiture. Mais télécommandée. Donc, Tom Cruise, qui ne peut pas laisser Luther tout seul, il lui tire des sous, mais parce qu'il a un truc anti... Un gilet pare-balles. Donc, les méchants, ils s'échappent. Ils sont encore vivants. C'est ouf. Bien, mais comment ça se fait qu'on est encore vivant? Il est où, les plutoniums? La boulette. Ils nous l'ont volé. Voilà. 4 infos. Les journalistes disent 3 explosions colossales simultanément au Vatican, à Rome, à Jérusalem et à la Mecque. Merde. On voit Delbruck qui voit les infos dans un lit d'hôpital, donc le professeur, le docteur expert en bombe. Oui. Mais noté, il y a Luther et Tom qui arrivent qui disent t'as vu, t'as fait ça, c'est vraiment dégueu, méchant. il dit, vilain, c'est ça votre. Et il prend son téléphone à Delbruck. Ils disent vous communiquez avec Lark avec ses téléphones. Il dit oui, mais de toute façon maintenant c'est trop tard. Il dit donnez-nous les mots de passe. Ils disent non, je donnerai pas les mots de passe jusqu'à que vous lisez les manifestes de Lark sur grande souffrance, grande à la TV. Ils disent ok, on va le lire. L'info télé lit les manifestes, le méchant donne les codes. et en rigolant. Et après, Tom Cruise, il fait « Ok, c'est bon, les parois de l'hôpital tombent. » Bien sûr, c'était en mise en scène. C'est terminé quand on dit que c'est terminé. Mission impossible, Fallout. 4. Base aérienne de Rammstein, Allemagne. Ça, on accélère, ben oui, je sais que c'est un peu ton angoisse, l'émission impossible. Ouais. Tom arrive en voiture. Il y a Alec Baldwin, donc oui. Dans la base aérienne. Qui est ministre de la Défense ou un truc comme ça. Chef de l'IMF et ministre de l'Intérieur. Ouais, je sais pas comment on le dit. C'est le Gérald Darmanin des Américains. Non. Ouais, bon. Tom arrive en voiture. Il y a Alec Baldwin, donc qui dit que les téléphones qu'ils ont chopés du docteur a décrypté une communication entre John Lark, donc les grands méchants. Qu'on ne sait pas qui c'est, et une femme, Alana Mistopoulos, activiste philanthrope surnommée la Veuve Blanche. Et ça donne rien de bon. Parce que ses vraies activités, c'est le trafic d'armes, les blanchissements d'argent, etc. etc. Oui, mais c'est quelqu'un qui travaille. Voilà. On sait que l'Arc et la Veuve vont se rencontrer cette nuit pour la livraison d'un mystère au paquet, donc les plutoniums, oui, priori, sûrement, hein. Au Grand Palais à Paris, pendant son gala annuel de charité. Vous avez 2 heures pour trouver l'Arc. Pan. Fin. Ah. Il y a un méga avion et Tom Cruise est en train de monter. Arrêtez tout ! C'est qui ? C'est Erica Sloan, donc la chef de la CIA, avec un agent, avec un homme. Il s'appelle Walker. Walker, qui a un armoire. Une armoire. C'est pas un homme, c'est une armoire. Okay. C'est Henri Cavill. C'est 3 fois la taille de Tom Cruise, ouais. Un large et un haut. Ouais. D'ailleurs, c'est Henri Cavill. Ouais. Voilà. Qui est même très grand. Oui. Très solide. Donc, elle dit non, on arrête l'avion, c'est votre mission peut-être, mais l'avion, c'est de la CIA. Nous, on veut avoir la main sur le plutonium. On ne fait pas du tout confiance à l'IMF. De toute façon, l'IMF, c'est Halloween avec ses masques. Bon. Alec Baldwin dit non, mais en fait, nous on y va. Elle dit oui, mais avec mon agent, moi, agent Walker, qui en fait sa réputation est d'être le marteau. Vous utilisez les scalpels, moi je préfère les marteaux. personne ne récepte le plutonium à part nous. Okay. Tom Cruise explique à Walker le plan. On est dans un avion commercial, on s'est parachuté en France indétecté, on va au Grand Palais à Paris, on rentre dans la salle VIP, en fait on a accès avec un bracelet nominatif, on découvre, on a le RFID, oui, du bracelet de l'Arc, donc il faut le trouver dans la foule, on lui vole son bracelet, on le défonce, on prend son identité, on rentre dans la salle VIP, on rencontre la Veuve Blanche, facile. On fait un masque. On fait un masque. Plan de faire et masque. Walker dit, les masques, ça marche encore. C'est un peu les trucs de Pecno, quoi. Mais les masques, c'est toujours le ressort comique depuis le premier. Hein, c'est clair. Donc, allez, c'est parti dans l'avion. Parachute, il y a plein de problèmes. Walker, il se jette alors qu'il ne devrait pas. Il se prend en foudre. Tom Cruise le sauve à la dernière minute. Ils arrivent à monter sur... Ils sont sur les hauts du Grand Palais. Ils rentrent dans la fête. C'est une foule immense. Donc, Walker, il a une espèce de téléphone pour détecter les bracelets. Il trouve les bracelets et les mecs, donc l'Arc, va aux toilettes. Donc, ils vont aux toilettes, le suivent, le tapent, bagarde, ouf, malade, mais qu'on va commenter après parce qu'elle est ouf. Ils ont du mal à défoncer l'Arc parce qu'il est quand même un putain de chef d'art martial. Et quelqu'un tire sur l'Arc juste avant qu'il tue Tom Cruise. Et c'est qui ? Isla, notre chère Rebecca Ferguson. Que je ne sais pas si je vais appeler Rebecca ou Isla. Ben, c'est Ilsa déjà. Ilsa, donc, voilà. Appelle-la Rebecca. Isla, je pense, comme Lila. La Isla Bonita, quoi. La Isla, Rebecca. D'ailleurs, j'écris Rebecca. Ah. Vous pouvez faire un masque ? Elle dit, ben non, il nous faut un visage. En fait, elle lui a tiré d'un plein visage. Donc, pas des masques. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tom Cruise dit, c'est pas grave, je prends son bracelet, j'y vais. On espère que la veuve l'a jamais rencontré. Oui. Ah, Rebecca, elle dit, je viens avec toi. Et elle dit, en fait, des gens sont envoyés pour tu es l'arc. Ils vont penser que c'est toi, donc je viens te défendre. Et il dit, mais comment tu sais ? Je ne peux pas te dire. Bon, tous ces mystères, c'est un peu bidon. Mais bon. Ils arrivent dans la salle VIP. Il y a la veuve qui fait un speech de charité de la part de sa mère. Elle voit Tom Cruise. Tom Cruise, elle se regarde autour. Il y a pas mal d'hommes qui le regardent aussi. Oui. Un peu bon. Donc il est un peu menacé machin. Donc Rebecca, elle avait peut-être raison. Il commence à parler avec la veuve et il lui dit, vous pensez que ces hommes-là tout autour de nous qui nous regardent sont là pour moi, mais peut-être ils sont là pour vous aussi, il faut qu'on se casse d'ici. Elle dit, ok, d'accord. Donc il s'échappe, il y a un homme, 9 hommes qui les attaquent, donc 4 tués par Tom Cruise, je crois, 2 par la veuve et quelques-uns, 1 par Rebecca et 1 par Walker. Ils arrivent dans un château. Il y a plein d'armes et d'hommes, d'hommes. Il y a un tableau centre avec des cartes et des photos. Donc, Zola, les frères de la veuve, raconte à Tom Cruise leur plan. Il dit, l'État français a réceptionné les colis, le colis à midi. Il sera livré au ministère des Finances demain matin. Puis, un convoi de véhicules blindés sous escorte passera par ici, sur un pont. Nous, on fait une déviation. À la place de faire leur parcours 1, ils vont devoir faire les parcours 2. On arrive, le convoi prendra l'itinéraire 2, du coup. Et nous, c'est là que nous extrairons les colis. Alors, le colis, on parle de quoi ? Comme, et tout petit carton ? Tom Cruise dit extraire. Pourquoi extraire ? Parce que les colis, ils vont en photo et c'est Solomon Lane. Oh non ! Ouh, les grands méchants ! Oh, là oh là non là. Donc, il n'est pas très, très content. Bah non. Et la veuve dit vous ne voulez pas content, pourquoi ? Il dit je suis venu pour le plutonium. Il dit mais il doit y avoir une erreur. Moi, je suis juste une intermédiaire. J'approche les acheteurs et les vendeurs. Donc, ils veulent faire évader Lane et ils vous donneront les plutonium que vous voulez. Ah merde. Donc Tom Cruise dit comment on sait que c'est bien du plutonium que vous allez me donner ? Elle dit j'ai un acompte. Oui. Elle a une boule de plutonium, tenez. Et dans 48 heures, je vous donne les autres. Cut. C'est pas très intéressant. on voit Erika. La chef de la CIA, Erika Sloan, Erika Sloan, et l'agent Walker, donc l'armoire. Henri Cavill. Ah oui, Henri Cavill, l'armoire, à Paris, sous la Tour Eiffel. L'armoire, qui le marteau. Le marteau. En gros, Henri Cavill dit à Erika, vous devriez vous méfiez de Hunt, parce que je pense que Hunt est l'arc, et que là, il a pris la place de l'arc, c'est pas ses crèmes, et il va faire tout ce que l'arc voulait faire. En faisant croire qu'il est un Hunt. Voilà. Il jouait double jeu, quoi. Et elle dit, ah bon, quelle preuve vous avez ? Elle dit, mais j'ai ça. En fait, il montre les portables. Parce qu'il a volé les portables du vrai l'arc, dans la scène des toilettes. Il montre les portables. Il dit, là, vous avez toutes les preuves que vous voulez. Mais les portables, nous, spectateurs, on sait que ce n'est pas les mêmes. Parce que celui des toilettes, il était tout cassé. Et là, il est tout nouveau. What ? Méchant, Walker ! Donc, on suspecte quand même Walker. En tout cas, c'est une... C'était un méchant. C'est un piège. Il piège Ethan Hunt. Donc, nous, on sait qu'Ethan Hunt, il est gentil. Oui, voilà. Donc, voilà. On arrive au lendemain. 4. On arrive le lendemain. Il y a la mission pour libérer Solomon. Donc, tous les camions, la police française qui se prépare, des camionnettes. Tom Cruise, il se prépare pour attaquer les convois qui a pris les deuxièmes itinéraires. Donc, il est caché. Et Walker est avec lui. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire ? En plus, Lane, il sait qui vous êtes. Oui. Parce que c'est toi qui l'as emprisonné, donc il va le tenir pour soi combien de temps, tu penses? Et là, les camions avec Solomon Lane passent devant les camions de Tom Cruise, et Tom Cruise, il lui fonce dedans et le jette dans la Seine. Il s'échappe avec les camions. Les camions avec Solomon Lane, il est en train de se remplir d'eau. Il y a une personne mystérieuse à moto qui vient, qui se jette dans la Seine, qui libère de l'eau Solomon Lane. entre-temps, course-poursuite de Tom Cruise avec la police, un camion, après les méchants, donc il y a Zola, qui est le frère de la veuve, oui. Avec tous les méchants de la veuve, qui suivent aussi Tom Cruise, parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il a foutu ? Il nous a doublé. Toute la police qui le suit, course-poursuite, il moto, sur moto. Une petite visite dans Paris. Ouais, voilà, c'est un truc de malade. Et tac, tac, tac. En gros, on s'arrête. Tom Cruise, la personne à moto donne Solomon Lane à Benji et Luther qui étaient sur un petit bateau, oui. Sur la Seine. Donc Tom Cruise les appelle en disant à l'aide, venez me chercher. Il arrive à s'échapper avec eux sur les bateaux. Ils sont tous là. Il prend Solomon Lane dans la voiture. Il s'échappe. Course-poursuite. Et après, la personne à moto. Elle se met devant Tom Cruise et Solomon Lane. Elle ouvre sa visière et c'est Rebecca. Ilsa, Isla, comme vous voulez. Ce qui est la même scène qu'il y avait dans le 4, je crois. Dans le 3. Ouais, non, le 5, plus. Dans le 5 du coup. Où et pareil, donc, elle se met au milieu de la route pour l'arrêter. Donc Tom Cruise, c'est qu'elle va pour tirer, mais elle n'arrive pas à tirer sur Tom Cruise. Tom Cruise, qu'est-ce qu'il fait ? Il la renverse avec sa voiture. Ah, sympa. Very kind. Ouais. ils ont quand même Solomon Lane. Il lui enlève, il a un traceur dans les coups, il enlève les traceurs. Ils mettent les traceurs sur un drone qui part ailleurs, donc la police et tout le monde va suivre le traceur. Il retrouve la veuve qui lui dit vous êtes plein de surprises, Lark. oui, il est plein de mon frère. Votre frère était frère, Zola était pourri, donc j'ai dû improviser. Je ne vous fais pas confiance. Où est Lane ? Je l'ai. Ok, parlons de la femme. Elle a tué 4 hommes à moi. Je veux la voir aussi. Ok, je vous l'amène à l'échange par avant. En gros. Ok, allez à Londres et les instructions vont arriver, dit okay. La veuve. Ok, donc Ilsa voit l'échange, elle suit Tom qui se fait suivre, il se retrouve au jardin des Luxembourg. C'est ça, non ? Oui, dans les jardins. Et en gros, il lui dit, je suis désolé de t'avoir renversé. Elle dit, ah, je comprends, bizarre. Non, mais c'est le boulot. C'est comme ça. Pas... Et donc, Tom Cruise comprend qu'elle était au palais, pas pour tuer l'arc, mais pour le protéger, parce que elle doit faire évader Lane pour tuer Lane. Oui. En fait, sa mission, oui. C'est de tuer Lane. Donc, l'arc allait faire évader Lane et Rebecca, elle allait tuer Lane. Parce que quand ils l'ont capturé à Londres, il avait énormément de renseignements sur la MI6, oui. MI6, donc sur les services secrets anglais. Et il est remballé dans tous les pays du monde parce que tout le monde l'interroge pour différents crimes qu'il a commis. Et du coup, il dit trop des choses sur les services secrets anglais. Et c'est ça. Et elle veut être réhabilitée auprès du MI6. Voilà. Et on s'est dit, mais toi, t'avais tout arrêté. Parce qu'au dernier film, elle avait arrêté. Oui. Et t'étais libre. Elle dit, on n'est jamais libre. Oh là là. Oh là là. Que des punchlines dans ce film. C'est clair. Ok. Ils se séparent. Tom Cruise, Solomon Lane, Walker... Attends, non. Non, ils sont, disons directement, on est dans un hangar énorme. Oui. Il y a tout. Il y a Solomon, il y a Walker, Benji, Luther. Et il y a aussi Alec Baldwin qui arrive. Surprise, surprise. Oh, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ? Tom Cruise dit, ah, je suis vraiment désolé, on a fait ça, mais voilà. Mais tout est sous contrôle. Mais tout est sous contrôle, ça va aller. Par contre, il y a peut-être Rebecca qui va venir à un moment donné tuer Solomon. Donc ça, c'est un problème. Mais bon, on trouvera une solution. Et Alec Baldwin dit, maintenant, en fait, il y a un gros problème. Il y a un dossier de la CIA qui m'est parvenu, qui dit que Hunt, donc toi, tu es l'arc. Ah. Et du coup, c'est toi qui as volé la variole, blablabla. Oui, je connais cette rumeur. Donc, Tom Cruise s'est dit « Oui, mais je suis pas l'arc. Et là, il faut que je donne Lane à la veuve, sinon c'est fini. » Et donc, il drogue Alec Baldwin. Il prend Benji, lui dit « Tu seras Solomon Lane. » Donc, il lui fait un masque. Walker, il rigole. Haha, les masques encore. C'est vraiment vrai que vous êtes Halloween. Vraiment des guignols. Il dit à Walker, bon, tu es avec nous ou tu n'es pas avec nous? Il dit, ok, je suis avec vous. Il laisse, alors il dit, toi, tu restes avec les vrais Solomon Lane. Moi et le fausse, on va avec la veuve et tout devra bien se passer. Donc, tout le monde part. Walker, bien sûr, il va libérer Solomon Lane en disant, vas-y, on se casse, machin truc. Et Solomon Lane dit, non, moi, je reste ici et tout. En gros, il dit, mais non, mais notre deal était que je te libère, tu me donneras les plutoniums, mais il faut faire ces putains de bombes. Donc, Walker égale John Lark. Tout à fait. Okay. On comprend ça. Ouais. Et il dit, de toute façon, l'IMF, c'est vraiment des blaireaux. C'est vraiment vrai que c'est Halloween. C'est que des masques. Quoi? Des masques? Et là, on voit Solomon Lane qui fait un petit rire nerveux et qui enlève son masque. C'est Benji. Donc, Alec Baldwin qui arrive avec les pistolets. Voilà. Toute la conversation a été enregistrée. Erika, la chef ICIA, elle a entendu. Elle a entendu. Henri Cavill va tomber. Va tomber. Et non, parce qu'Erika, elle dit, ok, vous êtes tous emprisonnés. Il y a l'armée, la CIA qui arrive, tout le monde va pour tirer sur eux. Elle accroche le téléphone. Walker, elle dit, go. Donc, il y a des hommes même de la CIA qui sont avec Walker. Donc, course-poursuite, pam, boum. Alec Baldwin va pour fermer Walker qui le poignarde. Donc, avant que Walker s'échappe, Luther, il arrive à le piquer dans les coups et à lui mettre un traceur. Un traceur, ouais. Et va voir, tant que arrive voir Baldwin qui est en train de mourir, il dit, je suis désolé. Luther, il dit, il n'y a pas le temps, il faut suivre Walker. Je te mets un traceur aussi. Ptchunk, vas-y. Course. Tom Cruise, il a jamais autant couru dans un film. Puis des kilomètres et des kilomètres. Il va vite. Hein. Petit truc rigolo avec Benji qui lui dit où aller. Mais oui, mais Benji, il ne sait pas lire une carte. Il ne sait pas lire une carte, c'est un peu la merde. Walker arrive dans un bâtiment, il monte dans un ascenseur. Tom Cruise, il arrive à s'accrocher au-dessus de l'ascenseur. Walker le voit, mais il ne peut pas le tuer parce que son contrat avec Solomon Lane, c'est de laisser Hunt pourrir dans une cellule. C'est ça. Et voir le tout monde le plan détruit. C'est ça, c'est que Hunt se fasse arrêter à la place de l'arc. Voilà, donc il dit, ah, je peux pas te tuer, c'est pas grave. Il dit, bah, alors arrête, je te suivrai partout. Il dit, et Walker sort la photo de sa femme Julia en disant, tu le feras pas, parce que si tu le fais, je la tue, je suis son ange gardien. Uh-huh. Mystère, hein. Qu'est-ce que c'est un ange gardien? Moi. Il a un peu peur. Walker monte sur un hélico où il y a Solomon Lane aussi et se casse. Tom Cruise, il reste tout seul comme un bébé. Comme un con. Sur les toits d'un immeuble à Paris. À Londres, pardon. Ah oui. Oui, pardon. Oui, parce Londres. Qu'on a changé. On était dans un garage à Paris, on était ensuite dans un garage à Londres. Donc, on se retrouve dans le hangar avec Luther, Benji et Ilsa. Oui. Et ils voient tous les plans des bombes. Ils disent que c'est des bombes super sophistiquées. Il y en aura deux. Elles sont liées entre elles par un système de sécurité des ouf malades. S'il y en a une qui est désarmée, l'autre va s'activer. Et en plus, une fois qu'une bombe est armée, impossible de la désarmer. Les contre-imbus à rebours, en plus, c'est lancé par un détonateur télécommandé à distance. Une fois qu'il est lancé, on ne peut plus l'arrêter. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. C'est vraiment trop des règles d'escape game, quoi. Ouais, tout d'un coup, c'est très compliqué. Bon, donc, en gros, il va falloir que tout soit coordonné pour que ça donne une scène d'action intense. Complètement. Donc, après, il y a Luther qui fait une espèce de speech à Ilsa en disant, tu sais, Ethan a deux femmes importantes dans sa vie. Une, c'était son ex-femme. Et l'autre, c'est toi. Donc, il vaudrait mieux que tu participes à cette opération. Trop bizarre. Ouais, très bizarre. Trop bizarre. Mais bon, elle dit, Ethan arrive, elle dit, je viens avec toi. Bon. Donc, comment on trouve les méchants? On a mis un transponder dans les coups de Lane. Parce qu'au moment où Luther lui a enlevé le traceur, du coup, il en a mis un autre à eux. C'est vrai. Donc, on peut le suivre partout dans le monde. Ok. Oublié. Et on prévient la CIA? Non. On fait confiance. Et moi, je fais confiance qu'à vous trois. Donc, on va où? Cachemire. Ooh. And à la frontière avec la Chine et le Pakistan. Donc, un endroit stratégiquement ouais. très problématique. Oui, où tu peux tuer un tiers de la population mondiale en voilà. deux secondes. Donc, on est au Cachemire, on est dans une voiture, ils sont tous les quatre. Donc, Ilsa, Luther, Benji et Tom Cruise. Et Benji, il cherche comment diffuser les bombes, mais il ne trouve pas. Et il commence à dire, mais pourquoi on va là-bas ? Ah ouais, là, le traceur, il se pose à la vallée de la Nubra. Mmh. Et il n'y a qu'un poste médical là-bas, c'est bizarre. Et du coup, on dit, ah mais oui, c'est vrai que l'ARC avait lancé la variole au Cachemire. Donc, Lane voulait un campement médical là-bas. Mais pourquoi ? Mystère. Oui. Entre-temps, il comprend que la rivière Nubra est au pied du glacier Siachen mmh. et une explosion nucléaire là-bas et, irradierait la plus grand, les plus grands systèmes d'irrigation naturelle. En gros, ils vont affamer un tiers de la population mondiale. C'est donc, grande souffrance, grand paix. Voilà. Et Benji dit, ah oui, il y a un défaut dans les systèmes de cette bombe. Au fait, peut... je viens de regarder les plans, j'ai trouvé. Si on enlève cette clé d'activation sur les bombes, les détonateurs peuvent être bloqués. Ah. Et après, on pourra couper les fils. Mais on peut enlever la clé et couper les fils seulement après que le compte à rebours est lancé. Ah oh, ouais, c'est bordel. Ça veut dire pratique, que tu lances les comptes à rebours, tu lances les bombes. Et après, tu fais, oups, en fait, non. Et en fait... Tu coupes et tu trouves les clés, tu désactives. L'enfer. Mais bon, c'est un peu risqué. Oui, bah de toute façon, c'est une mission impossible. Impossible. Hein, donc, on voit Lane et Walker. Sans la fatigue là. Ouais, c'est clair. Kat, on voit Lane et Walker qui parlent justement de tout ça et Lane donne la télécommande à distance, le détonateur à distance à Walker. Il le met sur 15 minutes et dit « Tu pourras te sauver dans les 15 minutes quand tu as lancé. Moi, je vais rester ici. Ma route s'achève ici. Okay. » Oh, donc, il veut se tuer. Okay. Pour ses idéaux. Pour ses idéaux, tout à fait. Il se retrouve au campement. Et il y a des signaux, parce qu'ils ont des machines pour détecter les signaux radiation. Des radiations. Oui. Il y a des radiations partout parce qu'il y a les scanners, les rayons X, bordel. Il dit « Ah, c'est pour ça qu'il voulait un poste médical. » Et là, on entend, on voit « Ethan ?» Hein ? Julia! Oh merde! Oh non, il y a Julia, elle a été affectée là. Et elle est en comme plus. Ethan, il dit, mais il y a les maris de Julia qui arrivent. Oui. Il dit, ah chérie! Il dit, mais c'est des mois? Non. Ah, je suis Rob, je suis un docteur. Bon, il invente du pipeau. Et en fait, les maris et Julia racontent que. Après l'épidémie de variole, il y a un ange gardien qui a payé tout pour qu'il soit. Pour qu'il monte le poste. Pour qu'ils aient l'argent pour aller là. L'ange bâtard. Gardien. Donc Luther dit ah, j'ai trouvé une bombe. Il commence à chercher la clé d'activation. Les autres, ils partent chercher l'autre la bombe deuxième. Et les détonateurs. Walker, il va pour monter sur un hélico pour s'échapper. Oui. Il y a deux hélicos d'ailleurs. Donc, Tom Cruise voit Walker qui va vers l'hélicoptère. Donc, il dit à Ilsa et Benji, cherchez l'autre bombe. Moi, je cherche les détonateurs parce qu'il voit qu'il a au coup. Donc, hélicoptère avec Walker part. Le deuxième hélicoptère va pour partir. Tom Cruise s'accroche à une espèce d'énorme charge qu'il y a au-dessous de l'hélicoptère. Scène des ouf. Voyez la scène parce que c'est impossible à raconter. Oui. En tout cas... Poursuite d'hélicoptère. Et pourquoi pas en poursuite avec des hélicoptères ? Non, mais ça me fait rire. Qu'est-ce qu'on dit ? Qu'on se poursuit avec des hélicoptères ? C'est ça. C'est un moment où tu dis, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait comme truc impossible ? C'est ouf. Ouais. Scène des ouf, course poursuite des malades. Entre-temps, Ilsa voit Lane dans une maison. Elle voit, du coup, elle va le chercher. Elle se bagarre avec lui. Lui, il l'arrête. Benji, il n'arrive plus à voir Ilsa parce que... il va aussi... Bon, bagarre. Ils arrivent à arrêter. En fait, Ilsa, elle a le choix soit de sauver Benji, soit de tuer Lane. Elle décide de sauver Benji et de juste arrêter Lane. Et ils trouvent la deuxième bombe. Voilà. Donc, on a deux bombes. Donc, on a deux bombes. Luther, entre-temps, il s'est fait aider par Julia pour ouvrir la bombe. C'est sympa. Petite bombe. Et... Benji demande à Luther, comment t'as fait? Vas-y, je le fais aussi. Tom Cruise, il est en train de se saigner avec la bagarre avec l'armoire, qui est hyper fort. Oui, parce qu'ils ont crashé les hélicos déjà, entre-temps. Déjà crash d'hélicoptère, plus course-poursuite, plus bagarre, plus bagarre chute. Bagarre en haut d'une falaise, chute, remontage. Remontage, le bordel. Et il manque à peu près 5 secondes avant que les détonateurs ils soient finis. Donc, Luther il dit, bon, on coupe les fils à 2 secondes. Et Benji dit, non, mais coupons en 1 seconde. Pourquoi couper à 2 secondes quand on peut couper en 1 seconde? Aucun, on coupe en 1 seconde. 1 seconde, tic! Fondu au blanc. Blanc. Backcut. Tom Cruise est sur une falaise. Ah. Il laisse tomber les détonateurs. Les bombes s'ouvrent et les plutonium sort. Ils ont réussi pile à faire ce qu'il fallait. À la seconde. À la seconde. Tom perd l'essence et il s'évanouit. Oui. Un hélico de secours arrive de la CIA. Il se fait amener à l'hôpital. Oh, oui, en civière. Donc il se réveille. Il y a Julia, c'est au son lit. Il lui dit, je suis désolé, Julia, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Elle dit, mais non, mais t'inquiète, tout ce qu'on a vécu a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Oh. Je suis très heureuse. Elle s'en fout complètement. Ils arrivent par la suite. Bon, scène chelou. Tant qu'il s'est dit, alors je suis comment? Elle dit, plus beau que jamais. Bon, ouais, bizarre. Ouais, très bizarre. Et Erika, donc la chef de la CIA, arrivée avec la moitié de l'armée indienne, elle dit « Je suis désolée aussi ». Et en gros, elle dit « Le monde a besoin de l'IMF qui croit en une vie comme à un million de vies ». Voilà. Et non, après, le truc, c'est « Bon, on l'a échappé belle, hein, comme d'habitude. » Et donc, il s'est dit « Ne me faites pas rire. » J'ai mal aux côtes. Enfin, voilà. Fin du film. Waouh. C'était un peu long. Non, c'est Mission Impossible. C'est toujours long, Mission Impossible. Toujours long. Alors, on va faire un extrait qui va être la bagarre dans les toilettes du Grand Palais. Avec le premier, ceux qu'on croit être... La deuxième partie, parce que la première partie, ils se bagarrent et ils arrivent à l'assommer. Enfin, Non, mais je voulais dire avec le premier l'arc. C'est lui qu'on croit être l'arc. Oui, donc, tout Tom à fait. Cruise, l'agent Walker contre le premier monsieur qu'on croit monsieur être l'arc. Allez, c'est parti. Donc, ils sont tous les trois dans une toilette. Avec un arc. Ah, voilà, l'arc qui réagit. Bam, bam, bam. Oh là là. Hop là, joli. Roulade. Oh putain, un coup dans la gorge là, ça fait trop mal. Tom Cruise, c'est pas. Coup de poing dans la face, coup de dans la face. Et on passe. Et putain. C'est Henri Cavill qui balance par-dessus les miroirs de toilette. Qu'il traverse. Oui, il traverse. Il a récupéré au passage un siphon. Et qui est en train de foutre des coups de siphon à tout le monde. L'arc donne des coups à Tom Cruise. Tom Cruise, il sait pas. Et là, il essaye de l'étrangler avec le siphon, voire de le couper, carrément. De lui foutre le siphon dans la gorge. Henri Cavill enlève la veste. Il recharge ses poings. Ça, c'est trop drôle. Et là, c'est reparti. Il écrase l'arc contre le mur et là, c'est bagarre. Et là, Cavill donne des coups, mais putain, t'as l'impression qu'il peut défoncer tout le monde. Sauf que l'arc, il arrive. Il est fort quand même, l'arc. Il est très très fort. Il arrive à s'occuper des deux. Il maintient Cavill à genoux. Et il lui fout des gros coups de latte dans la tronche. Et Tom Cruise, il est plié en deux entre temps, à côté des urinoirs. Il est pas bien. Et l'arc, le défi du regard. Ouais. Et tant que c'est là, allez, putain, notre tour. Allez, il va péter le placard. Mais l'arc récupère un flingue et va mettre Tom Cruise à terre et va lui tirer dessus. Et comment il va s'en sortir? Ah, c'est quelqu'un Rebecca. Choupi love. Shit. Voilà. C'est trop bien. C'est fou, ça va une vitesse, en fait. Ouais, c'est trop bien. Mais je crois que lui, c'est pas le chorégraphe. C'est ça. Ouais, parce qu'il est dans les fort. Anecdotes, donc le mec qui joue John Lark, c'est un cascadeur, un chorégraphe de bagarre. Ouais, parce que ça, c'est pas trop. Après, c'est fou, elle avait une vitesse. Enfin, tu vois, à commenter, c'est juste impossible, en fait. Impossible. Ça va trop vite. Mais très classe. Très, très classe. Très, très classe. Donc, Mission Impossible, répercussions. Conséquences. Sixième film de la franchise. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Et alors Mmh. Alors compliqué d'être un peu nouveau dans ce qu'on te raconte sur Mission Impossible. T'as un peu le truc de toujours plus, encore plus, on s'arrêtera jamais. Enfin, tant qu'on n'arrive pas au bout, on continue. Ouais. C'est le deuxième de Christopher McQuarrie. C'est la première fois qu'on a Mission Impossible où ça s'étend sur plusieurs films. Parce que t'as un peu, c'est la suite du syndicat, tu vois. Avant c'était toujours nouveau boss de fin, etc. Ouais. Là c'est toujours le même truc. On est sur la même esthétique, sur tout ça. Et on sait en plus maintenant qu'il va y en avoir deux autres qui vont être dans la continuité. Ouais, c'est pas mal ça. Donc bon, ça continue de fonctionner. Ouais. Moi ce que j'aime bien c'est les nouveaux personnages introduits. C'est cool, tu vois. Henry Cavill, je trouve qu'il est vachement bien. Non, déjà physiquement, c'est un truc hyper intéressant d'avoir ce mec à côté de Tom Cruise. Ils sont pas du tout le même gabarit, c'est vraiment bien. Et c'est bien, ouais. Et même après, Vanessa Kirby qui fait la veuve blanche. Ah, voilà, c'est qui, oui. Ouais. Ouais, elle est forte. Moi, j'aime bien aussi son personnage qui est hyper intéressant, tu vois. C'est pas. C'est une méchante. Enfin, en fait, c'est un peu la plus, même. En plus, je l'ai pas dit, mais en fait, elle fait partie de la CIA. Depuis les débuts, elle faisait partie de la CIA. Ah, tu le vois comme ça, toi ? Ah non, mais ils le disent. Ils le disent carrément quand Alec Baldwin... Elle bosse avec la CIA, mais elle ne fait pas partie de la CIA. Oui, elle bosse avec CIA, mais en fait, elle faisait tout ça pour choper l'arc. Oui. Donc, en réalité, elle n'était pas si méchante que ça. Oui, mais c'est quand même une personne trouble, tu vois, qui peut jouer sur plusieurs... C'est une mercenaire, quoi. Elle joue sur plusieurs tableaux. Oui. Et du coup, j'aime bien le personnage aussi, ça change. Ça fait un autre rapport au personnage féminin pour Ethan Hunt. Donc, j'ai plutôt bien aimé. Que dire des mesures de la cascade encore hein. Là, c'est un peu ouf. La chute libre, c'est quand même un truc dingue. Ouais. Donc, ça s'appelle du halo jump, donc H-A-L-O, qui veut dire high altitude, low opening. Ouais. Donc, en gros, on part de très très haut et on ouvre vraiment la dernière minute, la dernière seconde, le parachute. C'est très compliqué. C'est très impressionnant. Ouais. Ça donne une scène qui est en 6 milli plan séquence. Oui. Enfin, en gros, qui a dû être tournée en. Il y a peut-être un montage au milieu, quoi. Oui. Alors, il y a de la post-prod, mais surtout sur les décors. Sur la tempête. Ouais, il n'y avait pas d'orage, mais ils ont tourné. Ils n'ont pas tourné au-dessus de Paris parce que c'était interdit. Mais ils ont tourné aux Émirats, mais en conditions réelles, pareil. Ils ont essayé de tourner systématiquement pendant le coucher de soleil. Donc, en gros, ils faisaient une prise par jour. Ils faisaient qu'une prise par jour. Ouais. Et ils l'ont répété je ne sais pas combien de fois. Mm-hmm. Pendant un an, Tom Cruise, il faisait... Enfin, je ne sais pas pendant combien de temps, mais en gros, il faisait il sautait 6 fois par jour pour s'entraîner. Ouais. Une fois le matin, deux fois l'après. Enfin, c'était... parce que c'est très, très dur. Et pas tout seul, parce qu'il était avec les caméramans qu'on ne voit pas, mais qui a fait un travail de malade. Qui se jette avec sa caméra, avec Tom Cruise. En plus, la caméra IMAX et tout, enfin, machin. C'est fou quand même. Ah ouais, et puis ça fait une chorégraphie qui est impressionnante. Et puis comme en plus, ils l'ont vraiment voulu le filmer comme ça, en ininterrompu, ça donne vraiment quelque chose de... Tu vois que c'est long, comme une chute, quoi. Et que c'est hyper impactant. Enfin, la tronche et tout, c'est... Oui, mais même tous les switches qu'ils arrivent à faire, il y a un qui va en bas, la caméra qui va en haut. C'est super classe. Ils sont à la bonne distance. Ouais. Franchement, c'est ouf. Ouais. Ouais, vraiment. Cette scène-là, elle est balèze. Et après, tout ce qui est l'hélico dans la montagne aussi, à la fois c'est très beau et c'est quand même balèze aussi. Et pareil, hein, Tom Cruise, du coup, a appris à mieux piloter, à piloter ce type d'hélicoptère. Il savait piloter des avions, mais pas les hélicoptères. Oui. Après, c'est pour ça qu'il fait un film tous les deux ans. Hein. Il faut qu'il apprenne à chaque fois des choses. Oui. C'est pas facile, quoi. Ben oui, grave. Mais très, très bien. Ça, c'est vrai que c'est quand même ouf. Et même, moi, je suis un poil fatigué là, quand on est tous les deux un poil fatigué d'Émission Impossible. Les moments du film, quand t'as ça, t'es là. Ben oui. Putain, tu le regardes, quoi. Ça te prend trop tout. Ben, la chute, là, en parachute. Ouais. Mais même la bagarre avec les hélicos, c'était quand même dingue. Ouais, c'est fou. Bah, de toute façon, c'est un peu maintenant, je pense, Mission Impossible, c'est ça quoi. Ce qui est attendu, c'est en termes d'action, qu'est-ce qu'ils vont amener de plus en fait qu'on n'a jamais vu. Carrément. C'est pas le scénario, parce que le scénario, j'ai l'impression que c'est toujours un peu le même. Oui, cette histoire des méchants. Les méchants qui sont très méchants, bah, ils vont trouver des méchants encore plus méchants très méchants. C'est souvent des gens infiltrés ou des agents doubles. Ils veulent détruire le monde pour faire le bien. Ouais. Enfin, ça, on s'en fout un peu au bout d'un moment, je crois. Oui, non, c'est pas le principal. Non, on veut juste. En fait, c'est ça, maintenant, je pense, sur les missions impossibles, tu veux des films très rythmés, très beaux, bien réalisés, des grosses scènes d'action et des personnages qui marchent bien ensemble, des bonnes alchimies d'acteurs, quoi, en gros. Ouais, donc, pour ça, mission remplie. Pas. J'ai l'impression. Oui, après, nous, on l'avait déjà vu, mais je pense qu'il y a pas mal des switches qu'à l'époque, ça m'avait un peu. Genre le premier switch à l'hôpital. Oui. Avec les infos et tout, qu'après finalement c'est pas vrai, c'est pas l'hôpital. Oui. Ça, je crois que ça m'avait un peu. Ouais, parce que clairement la deuxième fois il marche plus. Hein. La deuxième fois, tu crois. Tu vois les ficelles, ouais. Mais ce truc-là, il me semble que j'étais surprise. Ouais, mais c'est possible. Ah ouais. Ouais. Ah merde. Alors là, bon, je me rappelle. Et après, c'est rigolo, c'est que ce film, il fait référence à plein d'autres films de la franchise, parce que cette scène-là, avec les murs qui tombent et tout ça, on l'a eu dans le tout premier, je crois. Oui, je crois que c'est la première partie du premier. Ouais. Ouais, ouais. Le truc de Ilsa Faust qui fait de la moto, qui s'arrête en plein milieu de la route, on le voit dans le 4, je crois. Non, dans le 5, dans le 5, ouais, pas dans le 4. Plus. Bah, tu sais, ils sont en course-poursuite, et elle apparaît au milieu de la route. Et du coup, Tom Cruise, soit il l'écrase, soit il l'évite. Il l'évite. Ouais, et là, celui-là, il l'écrase. Ouais. Enfin, y a plein de trucs comme ça, c'est assez rigolo, quoi. C'est le film mal. Qui arrive à s'autociter. Enfin, bon, c'est rigolo. Oui. C'est pas ouf. Non. ouais. Bon, après, oui. Bah, après, le scénario, que des fois, il est un peu. Bah, oui. Moi, ça commence un peu. C'est un peu trop. Hein. Après, voilà, heureusement. Et plus, tu sais qu'il y a la relance. C'est ça qui est terrible. Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment, tac, ça marche pas. Donc, relance. Mission encore plus impossible. Relance. Là, ils font 4 fois. Ah oui. Et ça va être encore plus impossible. C'est ça. Et ça, c'est un peu chiant. mais c'est chiant parce que tu as les résumés après. En vrai, si tu fais juste les regarder, tu t'en fous un peu. Oui, ça, oui. C'est juste, en gros, c'est juste des moments de scénario qui te disent. Bougez pas, on vous remet une demi-heure de cascade. Oui, c'est vrai. Et quand t'es juste spectateur et que t'as pas fait un résumé, tu dis OK, allez, ça va. Reprends la cascade. Moi, quand il commence à expliquer que je dois écrire, c'est ça. Je pense que toi, c'est le traumatisme de à chaque fois. Ah oui, OK. Bon allez, je reprends un petit paquet de feuilles et je réécris. Alors, allez. T'apôtre. Ouais, bon. Mais oui. Ouais, donc plaisant quand même. Ah ouais. Et après si vous l'avez jamais vu, bon, je vous ai tout spoilé, mais, vous allez oublier d'ici 2 minutes. Oui, et puis comme tu le regardes pas pour le scénario, ça va. Fou. Franchement, il y a des trucs vraiment ouf. Ouais. Très bien. Donc plutôt pas mal, quoi. Des petites anecdotes. Ah oui. À l'appel. Ouais, à l'appel, j'en ai quelques-unes. On se demande où était Jeremy Renner. Jérémy Renner qui faisait William Brandt. Mais il était mort, non ? Non, il était pas mort. Il était embauché, je sais plus où, enfin je sais pas quoi. Ah. Eh bien, figure-toi que pendant que ce film se tournait, il était en train de tourner Marvel Endgame. Ah. Donc il pouvait pas être là. Et puis mais parce qu'en fait, on s'en fout complètement de Jérémy Renner. Ah, il. Dans le set ? Je sais pas. J'ai pas vu. Hmm. Bon, je réponds à une question mais que personne s'est posée. C'est vrai que je n'ai même pas imaginé qu'il pouvait arriver. Sachant qu'il y a 2 films, c'était censé être le remplaçant de Tom Cruise. Quoi. Comment en deux films après, on ne sait plus qui c'est ce mec. C'est un truc de fou quand même. Bah ouais. Enfin, dans la franchise, on sait qui c'est. Dans la... Enfin, voilà. La scène de la bagarre dans les toilettes dont on a parlé, à la base, ils se sont dit bon, paf, chorégraphie, on tourne ça en 4 jours. Ils ont mis finalement 3 semaines. Ah bon, pourquoi ? Ouais, parce que c'est hyper compliqué à filmer. Bah ouais, en fait. Non, mais c'est clair. Elle est hyper longue, elle est très très chorégraphiée. C'est très très long à filmer. Et je pense. T'as l'impression vraiment qu'il se prend les poings en plein visage. Ah, quoi. Ouais, non, pour les bien. Coups, mais vraiment, t'as l'impression de le voir. Ouais. Je sais pas comment dire, c'est pas juste, ils sont dans une position où tu vois pas vraiment et donc ils peuvent être à mettre des distances. C'est ça. Là, t'as l'impression qu'ils sont proches, quoi. Non, elle est vraiment bien filmée. Hein. Tu vois vraiment bien les mouvements. Le montage aussi, il est super parce que t'es au rythme bien. C'est une belle scène. Ouais, elle est très, très belle. Qu'est-ce que... Ah ! Bah, le grand truc sur Tom. La cheville. Ouais. La séquence de la cheville qui a, on peut le dire quand même, fait... Exploser ! Qui a cassé Hollywood. Parce que... Donc, course-poursuite à Londres. Il est sur les toits, machin. il saute sur le deuxième immeuble et il se casse la cheville, il se casse la cheville sur l'immeuble. Oui. Mais ils continuent un petit peu, mais finalement, ils arrêtent le tournage. Ils arrêtent le tournage pendant 8 semaines. Ouais. Et du coup, Henri Cavill, dans son contrat, il devait, tant que le tournage n'était pas fini, garder la moustache et la barbe. Ah ouais. Sauf que, en même temps, il y avait, je crois que c'est Justice League, où il fait Superman, ah ouais. qui devait retourner des scènes. Merde. Donc, ils ont dit, Henri Cavill va revenir et il va retourner les scènes. Paramount a dit, en fait, Henri Cavill, si, il retourne, mais il touche pas à sa moustache. Oh putain, c'est vrai. Ouais, du coup, Superman, enfin toute la production de Superman, ils disent, c'est pas grave, on fera de la post-prod. Donc ils ont effacé la moustache à la post-prod. Ah, c'est con. Pour qu'ils aient pas à payer la Paramount pour raser la moustache d'Henri Cavill. Mais quel, tout ça pour une moustache, quoi. Cette histoire est fantastique. Donc, c'est génial. Et tu vois, tu sais, le battement d'ailes du papillon. Oui, quoi. Tom Cruise se casse la cheville et Superman doit être... On doit repeindre la moustache de Superman en post-prod. C'est génial. C'est pas mal. C'est J'adore mal. Cette c'est histoire. C'est génial. Et les pauvres travailleurs en post-prod qui vont dire « Putain, pourquoi il s'est cassé la cheville, ce con ?» Et d'ailleurs, Tom Cruise et la Paramount, c'est pas une grande histoire d'amour depuis qu'il s'est fait plus ou moins virer. Enfin, il avait un contrat avec la Paramount qui lui assurait beaucoup de sous. Ouais. Et quand après la guerre des mondes, il y a tous les problèmes de ça y est, on se rend compte que c'est un tocard de scientologue. Paula Wagner dit Tom Cruise, basta. Ciao. Et la Paramount dit Tom Cruise, ciao, quoi. Sauf que la Paramount continue de produire Mission Impossible et que ils ont besoin de Tom Cruise, donc bon, ils se rabibochent, mais il y a quand même eu a priori de l'eau dans le gaz, tu vois. Et je pense que Tom Cruise, il est pas complètement con. Et là, c'est sûr, même. Il est loin d'être con sur le pognon, j'ai l'impression, parce que a priori, de ce que j'ai compris, il venait de faire 2 films avec Universal, donc concurrent de Paramount, donc La Momie et American Made. Et il négocie avec la Paramount pour faire le nouveau Mission Impossible. Ouais. Bon, en vrai, c'est sûr qu'il va le faire. Il est coproducteur, il y a Christopher McQuarrie, il y a tout ce qu'il faut, machin. Mais il négocie son salaire. Ooh. Et il dit à la Paramount, il dit, mais moi, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous me payez au minimum ce qu'on m'a payé sur La Momie. Sinon, je viens pas, quoi. Sauf que la Paramount, ils sont coincés, puisque Tom Cruise est redevenu bankable, c'est lui qui a les clés de la franchise, etc. Mais grave. Et donc, du coup, ils ont payé, ils ont aligné. Donc, là, c'est la vengeance. A posteriori, vengeance de... qui va c'est se fou, bouffer hein. froide, quoi. Putain, il est fort. Et là, c'est vrai que la Paramount, elle ne peut plus rien dire, quoi. Autant, 5 ans avant, ils pouvaient encore un peu négocier, là, c'est fini. J'ai trouvé cette histoire surtout assez intéressante. Surtout parce que Jeremy Renner, il n'est pas là. Il n'est pas dispo. Ouais, en plus. Donc, ils n'ont même pas l'air remplaçants, quoi. Dès le film d'avant, ils avaient dit, ouais, bon, peut-être que Jeremy Renner, en fait, non. Et mais ils auraient encore pu peut-être dire, ah oui, tu sais quoi, on met Jeremy. Et en fait, non, il n'est pas dispo. Ouais, c'est... Bon, tant pis. Ils ne pouvaient pas mettre Rebecca Ferguson parce que Rebecca Ferguson, elle était enceinte. Non, pendant les tournages. Ouais, pendant une partie du tournage. C'est pour ça que son rôle est un peu merdique. Moi, je trouve que c'est le point faible de ce film. Ouais, c'est surtout, que du coup, ils ont essayé de transformer dans un truc romantique. Ça marche pas du tout. Ça, c'est nul. Et puis même elle, tu vois que elle était peut-être pas assez dispo pour tourner, mais son rôle, ils savent pas trop quoi en faire. Alors qu'il est trop bien dans celui d'avant. Ouais. Et là, ils la transforment plus ou moins en love interest. Pas très intéressant. Beau. Pas ouf. Non, pas ouf. Ouais, voilà. C'est vrai. Ok. Bon, super. Quand même pas mal d'histoires sur ce film-là. Ouais, ça fait des anecdotes. Hein. Ah là On va raconter. Et du coup, le truc de la cheville, là, la scène où il se casse la cheville, c'est celle qu'on voit dans le film. Ouais, j'ai voulu. Surtout quand il... C'est au moment de l'impact. Tu vois vraiment que... Au moment de l'impact, mais je crois que... Parce que lui a pris l'impact. En fait, il arrive à se relever et tu vois que le pied droit, il n'arrive pas à le mettre droit. Quoi. Il arrive à courir hors champ. Oui. C'est la scène qu'ils ont tournée. Et après, il court super bien. Et t'es là. C'est trop bien. Et il a raconté quand même, il disait c'est complètement con parce que c'est la cascade la moins compliquée de tout le film. Je me blesse. C'est complètement débile. Voilà. C'est souvent comme ça. Et alors après, deux autres petites anecdotes pour finir, parce que quand même, c'est le dernier épisode, on va se faire plaisir. Vas-y. Henri Cavill disait, c'est très différent de s'entretenir et de faire de la muscu pour Mission Impossible que de faire de la muscu pour Superman. Ah. Il dit, pour Superman, en fait, on fait absolument rien de physique. Il faut juste avoir le muscle de... Qui se voit, en fait, mais qui n'est pas utile du tout. Il dit donc, tu fais de la muscu différemment, parce qu'il dit, clairement, c'est pas du tout physique, Superman. Bah oui, ils volent pas réellement. Par contre, Mission Impossible, on s'en fout de la gueule de tes muscles, mais par contre, faut que tu les aies, parce que ça carbure, quoi. Ouais, grave. Du coup, ça l'a vachement choqué. C'est rigolo. Et d'ailleurs, il n'y a pas toutes les scènes tournées sur les hélicoptères, genre, ils étaient frigorifiés à mort, quoi. Ah bah, c'était les conditions devaient pas être folles, ouais. Je sais plus, je... Ils ont pas pris une tempête aussi, à un moment, sur, quand ils étaient là-bas? C'est possible, mais ils disaient que c'était horrible, parce que d'être dehors la vitre, en plein hiver, avec rien, parce qu'il est quand même habillé en costard-cravate, et à faire la mitraillette, je sais pas, ils disaient que c'était une expérience horrible. Et alors, Simon Pegg, qui est maintenant là depuis un petit moment... il disait que du coup il s'entraînait maintenant de plus en plus à chaque fois, et que pour la première fois de sa vie depuis ses 20 ans, il a dit, j'ai vu mes abdos. C'est vrai. Il dit, j'ai à force de m'entraîner avec les gars, avec tout le monde machin, il dit, ça y est, j'avais enfin des abdos, quoi. Ah, que génial. J'avais pas vu depuis longtemps. Et Henry Cavill et Tom Cruise se foutaient de sa gueule, en fait. Bah, tu m'étonnes. Et il l'appelait Six Pack Peg. Oh, voilà. Simon. Pauvre petit. Bon. Mais ça le faisait rire. Il est oui, avec ses copains. Il est drôle. Oui. Voilà. Ça, c'était le film. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est savoir si. Bon, on connaît la réponse, mais. On devrait parler des Oscars. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes. Bah oui. Bah oui. Alors, je vais te dire. Christopher McQuarrie. Voilà. Fin de la rubrique des Oscars. Je t'avoue que j'ai même pas. J'étais là, je commence à regarder, je dis, non, en fait, on va pas s'en aller. On va mettre Christopher McQuarrie et boom, après, boom. Voilà. Adios, merci. Ça se trouve peut-être le monteur, tout ça, mais là, en fait, on est arrivé à un point. Les acteurs, je savais qu'ils en avaient pas, parce que c'est toujours les mêmes. Voilà. Alec Baldwin, il a pas eu. Toujours pas, non. Bah, tu sais, ça fait 3 à 4 films qu'on le voit, il n'en a toujours pas. Angela Bassett, qui fait Erika Sloane, a 2 nominations, mais elle n'a pas d'Oscar. Voilà. Ouais. Non, il y a Henri Cavill, non. Non, mais bon, c'est content. Dans les nouveaux, il n'y a pas, donc j'ai pas cherché plus loin. Il ne faut pas être gourmand, c'est bon. Par contre, on va parler d'un truc, on va parler du pognon. Oh là là là là. Combien qui coûte celui-là? Attends, je vais te donner les prix des derniers Missions Impossible. Les derniers, c'était genre 125, 150, non? Alors, 100, Ghost Protocol, 145. Ah ouais, ouais. C'est beaucoup. Ouais, mais c'est plus. Attends, juste la scène avec les hélicos, laisse tomber. Alors attends, je cherche Rogue Nation, 150. Plus. Plus. Moi, je dirais... Qu'est-ce qu'on a comme film 200 qui coûte cher? Non, 200, non. C'est trop. Le Edge of Tomorrow, 178. Ah, plus. Eh bien, figure-toi que ça a le même prix que Edge of Tomorrow. Ah ouais. Waouh. Wow. Et combien ça a rapporté? Beaucoup. Beaucoup. Non, mais énorme. Oui. Genre 3 fois 4 fois. 4,4 fois, donc on est 791 millions de dollars au box-office mondial. Putain, c'est qui, énorme. Qui, jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois, était son record, détrôné par Top Gun Maverick qui a dépassé le milliard. Putain. C'est fou. Non, mais c'est vrai qu'après, on peut dire, peut-être on ne vous a pas convaincu jusqu'à aujourd'hui que c'est la dernière star d'Hollywood, mais c'est sûr qu'il a sauvé Hollywood. Post-Covid et tout ça. Sans Tom Cruise et Cameron. Oui. Ah oui. Non, oui. Mais c'est sûr, c'est lui qui tient l'industrie. Ouais. C'est grâce à Top Gun Maverick qu'ils se sont dit, ah oui, le cinéma, encore, ça peut rapporter de l'argent, quoi. Ah oui, complètement. Mais c'est ouf. Donc, bah, rubrique Tom Cruise, maintenant, parlons-en. Très, très, très Tom bon. Cruise sauve. Alors, Tom Cruise, bah... Alors, dans le film, en termes de film... Bof. Bon, pas de surprise. Si. Mais bon... Pas plus, pas trop arrogant, chose que j'apprécie, personnellement. C'est, les trucs amoureux, t'as l'impression que ça l'a fait chier. Ça l'a fait Ça marche pas en plus. Ça marche pas, c'est pas... Même la veuve, à un moment, elle le dragouille. Ouais, mais ça, c'est rigolo qu'elle, elle le dragouille et que lui... Bon, et s'en fout. Rebecca, bon... Ouais, ça marche d'un côté ou de l'autre. Il n'y en a aucun qui est convaincu par... Ouais, par ils sont pas... Et en plus, c'est bien qu'ils restent amis, en fait. Oui. C'est beaucoup plus sain. Mais ça, ça sent le truc un peu, genre, on l'écrit pour les suites. Potentiel. Ça servira ou ça servira pas, quoi. Voilà. Et donc, ça marche pas. Et aussi pour faire un peu le truc, ah, il y a Julia, donc Rebecca. Ouais, ça marche pas. Parce qu'on l'a pas eu avant, donc. Ouais, non, c'est chiant. Ça marche pas. Avec Julia, bon, petite réconciliation. Mais après aussi. Julia, on a tellement on jamais accroché. Julia, il était bien avec elle quand il était, je sais pas où, dans le Wisconsin, qu'ils avaient leur maison, mais après, on s'en fout de Julia, quoi. C'est pas... Bah ouais, c'est pas ouf, quoi. On n'y est pas accroché, moi, c'est un moment. Donc, c'est mais côté on amour. On est accroché à Luther, mais pas à Julia. Oui, grave, beaucoup plus. Bah oui. Et en plus, j'ai l'impression que la relation Luther-Julia dans ce film est beaucoup plus touchante que Tom Cruise. Que... Oui, c'est vrai. Luther, il est là. Ah, Julia, merci. Mais globalement, Luther, il est là de début, depuis le début parce qu'il est hyper important. Hein. Même s'il a tout petit rôle, qui, tu pourrais l'enlever très vite. C'est bien qu'il soit dans chaque film parce que c'est le petit côté sentimental. D'être oui. C'est son lien sentimental. C'est, ça. C'est lui qui le connaît depuis longtemps. Voilà, et c'est lui qui lui rappelle son humanité. Enfin, c'est vraiment oui, sa oui. boussole sentimentale. Quoi. Ouais, complètement. Donc voilà, après, ouf, quoi. Ouf. Tout ce qui est cascade, machin, truc, ouais. Ça va sans dire. La puissance. Les courses. Je me dis, mais putain, mais. Au début, quand t'as la journée, tu vois, course, 8 heures des courses. Ouais. Putain, pour être joyeux au boulot. Mais bon, non, ça bah c'est là... ma vision du sport. Mais, super, ça c'est super. Donc, ces côtés-là, pour moi, ça marche. J'apprécie qu'ils ont un peu baissé encore un peu les côtés. Moi, je peux tout réussir, je suis trop fort. Là, c'est un peu plus... Bon, on verra, on n'a pas trouvé des solutions, on trouvera. Oui. Plus, c'est moins... Hey, baby, là, c'est plus on n'a pas le choix. Donc, oui, donc il faut le faire. Plus désespéré un peu. Ouais. Je préfère à ça la version hey, « c'est l'IMF, nous on est trop forts », tu vois, ça me souvient. Ouais. Voilà. Mais bon, après c'est étonnant, il n'y a pas... C'est ça. Mais après, ce que je trouvais un peu assez rigolo, c'est que du coup, Mission Impossible, c'est tellement devenu... Tom Cruise fait des énormes cascades... Que du coup, tout ce qui peut se développer à côté, donc tous les petits personnages nouveaux, etc., ils sont bien, quoi. Enfin, c'est bon, tu vois, genre, Ethan Hunt ne va pas nous surprendre, on sait que c'est ça, etc. Et donc, tu peux t'amuser. Donc, les nouveaux personnages, moi, je trouve, marchent bien. Enfin, il y a un truc, il y a de la place qui se fait, parce que finalement, Ethan Hunt n'est plus central dans le truc. Ethan Hunt, il est là pour les cascades. Après, c'est comment tous les personnages autour sont les méchants, tout ça, comment ils sont intéressants ou pas. Ethan Hunt ne va plus nous surprendre, à part pour les cascades, donc on s'en fout, quoi. Et ça nous surprendra vraiment si, à la fin du 8, il faisait partie du syndicat, quoi. Ça, ouais, bah là, ça casserait tout ouf. Le truc. Et ça serait ouf. C'est génial. Ça bah après, génial. Il va mourir. Ethan Hunt va mourir dans le 8, je pense. Ah bon ? Non, moi, je pense qu'il va devenir un méchant. Non, par contre, ils peuvent, à la fin du 7, nous faire croire qu'il est méchant. Et dans le 8, dire, en fait, non, il a voulu niquer le syndicat. Non, moi, tu vois, un peu à la Jack Bauer dans 24 heures chrono, quoi. Oui, mais ça, ils vont pas. On va jamais y croire. Les trucs qui est vraiment choquant, c'est qu'ils soient réellement méchants. À la fin du 8, mais non, ça marchera pas. Ça je te dis, vont... à la fin dommage. Du 7, ils vont nous faire croire qu'il est passé méchant, mais en fait, non. Mais encore, je suis même pas sûr. D'accord. Donc, voilà. Ceci dit, c'est l'heure de faire la note. Oh non! La dernière note. Rotten Tomatoes. Ah, je te le donne maintenant. Ça va influencer ta note. Hein. Ah non, vas-y, allez. D'abord la note. C'est l'heure du crousomètre. Eh oui, le crousomètre, le dernier. L'échelle de 0 à 100. Après ça, vous allez avoir vraiment le classement ultime des films les plus importants de la carrière de Tom Cruise. Ça ne veut pas dire les meilleurs. Non. Mais voilà. Et ça ne veut pas dire que vous partagez cette opinion. Les plus importants pour nous. Et en plus, c'est une moyenne de nos deux avis. Des fois, on n'est pas quand même. On note pas de la même manière, mais bon. Je vais te donner la note Allociné. Ah. Pour savoir le public français ce qu'il aime. 4 étoiles sur 5. Yeah. C'est valide, c'est fort. C'est très fort. Ouais. Je commence à comprendre les goûts des Français. Et maintenant, le peuple attend ta note. Alors, j'ai envie de donner beaucoup. Oui. Parce que quand même... C'est fort. Et jusqu'à là, en plus, quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, ah, c'est la fin, il a fait des belles cascades, happy end. Solomon Lane, bon, il est encore vivant, mais bon, il est anéanti. Mm. Mais aujourd'hui, au vu qu'il y en a encore deux qui vont sortir, ça c'est casse ça. Tout. Moi, j'ai l'impression aussi que, effectivement, à chaque fois qu'il y en a un nouveau, tu te dis, bon, bah, ce sera le nouveau qui sera le meilleur, le plus à jour. Enfin, c'est comme une mise à jour, quoi. Ouais, c'est ça. Du coup, bon, ça réduit un peu. Et ça les mecs, ils sont tous dans le même paquet, un peu. Bah voilà, donc je sais pas trop quoi donner. Dis-moi toi. Parce que les derniers, c'était quoi? On avait On a dû faire 79 et 81. Et, là, ouais. Et l'autre, on a fait l'inverse, je crois. Ouais, voilà. Mais moi, j'aurais envie de donner un peu plus, ne serait-ce que pour les cascades, ouais. Un peu plus que les deux derniers là. D'accord. Parce que je trouve, il y a quand même beaucoup plus des scènes vraiment iconiques. D'accord. Bah, les toilettes, l'hélicoptère et la chute en halo, là. Ouais. C'est quand même fou. Donc, j'aurais envie. 81. 81. Eh bien, figure-toi que moi, j'ai mis 80. Ah ! Je le mets entre les deux. Trop bien. Donc, 80 et demi. C'est parfait. Voilà. Et ça, ça nous emmène justement à la rubrique suivante, qui est censée être la question, qui ne sera peut-être pas une question. Mais je vais quand même mettre le jingle. Oui. Why is Tom Cruise always Tom Cruise? Running? Why is Tom Cruise always named Jack? Rock climb. Why did Tom Cruise and Tom Cruise and Tom play Cruise guitar? Fly a helicopter? And Tom Cruise did Tom fly Cruise really hang off the plane? And Tom Cruise hold his breath for 6 minutes. Voilà, bon, il n'y avait pas forcément besoin du jingle parce que c'est la suite logique de la discussion du cruise-o-mètre. C'est quel est notre classement ultime des Missions Impossibles, du meilleur au plus mauvais film? Eh oui, parce que tu vois, t'as commencé à dire celui-là, c'est celui qui a les cascades les plus folles. Ouais, ouais. Et ben moi, je pense que les cascades du 4 me marquent plus. Putain, les 4, c'était lesquelles déjà? Quelle cascade il a fait dans la Burj Khalifa. Moi, j'adore, moi, cette cascade-là, je la trouve fantastique. Ouais, celle-là, elle est vraiment. Celle-là, bien. Elle est vraiment elle est impressionnante. Mais pas plus que le halo. Ah, moi, je trouve pas plus que le halo. C'est pas les mêmes émotions. Après, c'est très difficile, moi. C'est vraiment. Ah oui, c'est très... Après, cinématographiquement, je trouve beaucoup plus difficile de faire le halo que la Burj Khalifa ou en fait... Oui, mais après, en termes d'émotion que ça te procure, ça... Enfin, moi, tu vois, voir la silhouette de Tom Cruise qui court le long d'un truc, je trouve ça magnifique. Oui, oui, c'est beau. Son balancier, beau. son petit tour, machin, enfin, je trouve ça génial, quoi. Ouais. C'est vrai, mais ils sont tous bien après. Ben oui, mais après, c'est ça. C'est... En gros, tu te retrouves à te dire, bah, dans ce film, quel est celui qui a le plus qui me fait le plus d'émotion? Moi, je sais que là, comme ça, entre les trois derniers, parce que ça se joue un peu par là, quoi, c'est plutôt le 4, moi, qui me porte le plus de trucs. Celui de Brad Bird, où il y a toute la scène d'introduction dans la prison. Celle-là, la prison, j'adore. Elle est bien. Le Kremlin, elle me fait mourir de rire avec Benji, avec son truc. J'adore. C'est vrai qu'il y avait les celle-là, j'aime beaucoup. Putain, c'est chaud. Et puis c'est Brad Bird, elle est drôle. Enfin, celui-là, je l'aime beaucoup. Ouais. Après, dans Rogue Nation, t'as quand même le plongeon, enfin l'apnée pendant 300 ans. Oui, non, mais moi, Rogue Nation, non. Je serais moins. Les quatre, c'est vrai. Rogue Nation, il y a le décollage de l'avion, qui est quand même une scène balèze. Et surtout, c'est l'arrivée de Rebecca. Ah, oui, c'est vrai. Oh, c'est horrible. Il y a la scène dans l'opéra. C'est chaud. Tu vois, l'opéra, elle est classe aussi, cette salle. Oui. C'est dur, hein? Bah, en fait, en réalité, moi, je crois que mon Mission Impossible préféré, bizarrement, c'est le numéro 1. Ouais, moi aussi. Tu penses? C'est vraiment, c'est lui qui me laisse le plus des images. C'est mais un pas super tant thriller. Les cascades, tu vois, mais tout. Brian De Palma, quoi. Comment c'est filmé et tout, c'est lui que je me rappelle plus de plans. Les autres, ils sont un peu flous. Et les autres, ils ont à peu près tous le même truc. Moi, je trouve qu'il y a... effectivement, moi, c'est pareil. Le 1, je le mets vraiment à part. Ouais, parce que déjà, il a tous les ingrédients dedans. Et il a c'est un thriller qui est génial. Enfin, qui marche trop, trop bien. Ça marche super et bien. Et qui vieillit pas si mal, quoi. Ben non. Et comment il est filmé? Il est très, très bien filmé. Ouais. Il y a quand même des scènes des ouf, mais sans en faire non plus 3 tonnes. Tu vois, les scènes du câble, bon, ben... voilà, ça restera pour toujours. Ouais. Ah oui, celle-là, elle est... Je sais pas, c'est quand même ouf, quoi. Bah, c'était la première scène marquante d'un Mission Impossible. Oui, ouais, complètement. Sans compter les restos aquariums. Ouais. Et l'hélicoptère dans le tunnel. Oui, dans les tunnels. Voilà, c'est quand même... Ouais, c'est vrai qu'il y en a déjà pas mal des grosses. Mais c'est pas... Voilà, mais je trouve que l'histoire, elle tient vraiment... Oui. Je sais pas, il y a un truc... C'est ça qui a le meilleur, effectivement... Ouais, t'as le plus grosse attache au niveau du scénario, t'as le meilleur feeling, ouais. Et après, la meilleure réalisation, malheureusement, pour moi, c'est celle-là. C'est la 1. Ah oui, oui, c'est clair. Donc ça colle bien. Voilà, donc 1. Après, un deuxième... C'est là, parce qu'ensuite, là en gros, il y a le paquet de 4, 5, 6. Ouais. Pour moi, c'est le 4, mais... moi, je mettrais le 4, après le 6, et ensuite le 5. Mais dans un mouchoir de poche. Ouais, mais moi je sais pas si j'ai... Mais c'est vrai qu'il y a Rebecca, c'est mieux dans les 4 que dans les 6, quoi. Bah oui. Oui, dans le 5. Ça va, ok. C'est 4. Mieux dans le 5. Rebecca n'est pas dans le 4. Ça, c'est la... dans les 5 que dans les 6. Donc les 6, il peut pas être non plus meilleur que les 4. c'est con, dur, hein. Ouais. Et après, il nous reste le 2 et le 3. Et là. Bon, clairement, les 3, il perd. Le 3, pour moi, le 3, c'est... Toutes les idées sont là. C'est toutes les bonnes idées, mais elles sont très mal exécutées par notre ami JJ Abrams. Mais en plus, quand on en avait parlé, mais les méchants, ils étaient ouf, ils l'ont tué. Oui. Ça, juste ça, mal. Et la patte des lapins qui a hâte encore, mais... non, les trois, c'est mort. Et le 2, il est drôle, il est kitsch. Mais... Il est trop kitsch et moi, c'est ouais, beaucoup d'émotions. Il est rigolo, mais... Mais après, oui, il va pas... Ouais, d'accord, je sais pas, entre les 4 et les 7... 4, 5, 6, ça se joue là. Et encore, après, on aura le 7 et 8 aussi, mais bon. Ah, le 6, pardon, j'oublie à chaque fois. Je sais pas, pour moi, c'est 7. Et non. Les 6, les 4 et les 5. Moi, je fais 4, 6, 5, dans l'ordre du mieux au moins bien. C'est chaud. C'est chaud. C'est hyper dur. Moi, bon. J'aurais envie de dire 6, 5, 4. Ok. Ok. C'est le 4 que tu mets dans le plus bas des 3. Parce que les méchants, il est pas ouf. Non, c'est vrai. Ouais, c'est un peu chiant. Le méchant est pas ouf et il n'y a pas Rebecca Ferguson. Voilà. Allez, je te l'accorde. Voilà. Les cascades, elles sont très belles, c'est vrai, t'as raison, mais c'est pas non plus... ça reste pas trop dans les esprits. Je sais pas, la scène dans les toilettes, je me la rappelais... Oui. Il y a des scènes quand même que je me rappelle. Les hélicoptères aussi, tu peux pas les oublier. Après, c'est ça, mais toi, t'es une femme, t'aimes les hélicoptères et les bagarres. Voilà. C'est pour ça. Voilà. Moi, j'aime les prisons et les tours aux Émirats arabes. Donc forcément, on est pas là, ça va se jouer sur des bon, petites ennuis personnelles. Mais bon, sûrement dans un mois, je vais changer d'avis. Oui, c'est ça. Voilà, c'est... Si tu en revois un, tu fais « Ah, c'est lui ». Après, tu fais « Ah non, c'est lui ». Et voilà. Puis après, de toute façon, dans quelques temps, on aura... Le 7, où on fera « Ah ben oui, mais voilà, oui, c'est le bon, 7. Il a tout compris. » Non, je pense que le 7, il passera jamais les caps. Bah, on verra. De toute façon, ça va être dur. Sauf il y aura si les deux. S'il devient méchant, s'il te plaît. Ah, allez. La recommandation, peut-être. Maybe. Maybe. Parce que moi, j'en ai une. Moi, non. Ah, alors. Si, vas-y. La mienne. John Wick 4. Oh, John Wick, chapitre 4. Bah, je l'ai vu, j'étais au cinéma. J'étais vu le jour de la sortie. Tu le vis quand même. Oh. Et c'est bien. Enfin, là, pour la peine, toi qui aimes la bagarre dans les toilettes, et bon, bah là, t'as de la bagarre, mais pas que dans les toilettes. Hein, tu vois. Et ça ne s'arrête jamais. Ça dure 3 heures, quasiment. Ouais, 3 heures. Waouh, 3 heures. Et ouais, et c'est. Malade. De réalisation, de chorégraphie. C'est génial. Ah ouais. Ils se sont un peu débarrassés de tous les trucs où ils ont essayé de faire des scénarios, tu vois. En gros, avant, ils essayaient de nous faire croire qu'il y avait un truc, une mythologie un peu complexe, etc. Mais en fait, on s'en fout. Nous, on veut voir Keanu Reeves qu'en a marre, mais qui va continuer de tatanader des gens. Quoi. Et là, pour la peine, ça devient, je pense, John Wick, la nouvelle référence en termes de filmer des scènes d'action. Ouais. Tu vois, il y a ce truc-là. Sur les bagarres vraiment rapprochées. Ah, trop bien. Mais tout comme, je pense, Mission Impossible, c'est devenu la référence en termes de grosses cascades de grandiose, quoi. Oui, oui, oui. De très grand spectacle comme ça. Et c'est un peu les deux films, les deux franchises qui symbolisent maintenant ce qui est attendu dans le film d'action, tu vois. Après avoir eu tout ce qui était les super-héros, les Marvel, tout ça, qui ont posé bah, pendant toutes les années 2010, c'était que ça, en fait. C'était vraiment ce qu'ils trustaient. Et Hollywood réfléchissait en fonction de Marvel et tout ça. Là, ça s'essouffle un peu. Là. Ça fait quelques années que ça ne marche plus trop, que tout le monde en a... On a un peu fait le tour. Les films ne sont plus du tout inventifs. Ils n'amènent plus rien de nouveau. Ça s'essouffle. Et on revient finalement sur des trucs qui sont un petit peu... Bah John Wick, ça, mine de rien, ça convoque bah, le cinéma d'action hongkongais. Tu vois, ce n'est pas forcément nouveau, mais c'est bien fait. Et c'est remis au goût du jour, on va dire. Et ta Mission Impossible qui fait du cinéma en dur, mais en essayant toujours de chercher le plus gros, quoi. Oui, oui, oui. Donc, à la fois, c'est... on revient sur des bases de l'histoire du cinéma, mais vraiment poussé à fond et remis au goût du jour. J'ai l'impression. Et du coup, c'est pour ça. Je trouve que c'est deux franchises qui représentent bien un peu les attentes et ce qui marche maintenant aussi en action. Intéressant. Et du coup, allez voir quand même John Wick chapitre 4. Parce que, même si parce que moi, j'ai pas vu les premiers. Mais t'as pas besoin. Non, on s'en fout. Là, t'as des... Enfin, va le voir, on en discutera parce qu'il y a des scènes qui sont dingues. Oui, oui, non, donc, mais je suis pas c'est des complètement affolant. Mais il y a YouTube qui me propose 50 extraits mais de John Wick tout le temps. Mais après, regarde les autres hein, si t'as l'occasion aussi. Hein, parce que... bah, j'ai commencé les 1, mais j'étais trop fatiguée, ouais. Ça m'a saoulé. Bah, après, le 1, enfin, ouais. Mais il faudrait que je le regarde mieux. Ouais. Reposer. Ok. Voilà. Est-ce que toi, tu as quelque chose à recommander? Alors, non. Non. Mais. Non, mais c'est qu'on disait tout à l'heure, je vais essayer de le dire. Tu mets la pression c'est toute juste, seule. J'ai la pression. Non, c'est juste que là, c'est officiellement le dernier épisode de Cruise Control, même peut-être définitivement, on ne sait pas. Bah, non, il y aura sûrement un épisode spécial live, mais bon, c'est quand même les derniers. Après, il y aura les sorties des films de Tom Cruise. Mais bon, ça ne sera pas traité de la même façon. Un épisode par an, c'est pas ouf. Oui, donc bon. Et puis après, sinon, il faut attendre la fin des années 2020. Oui, mais on s'est vieux. On n'a plus le temps. Ouais. Donc voilà, donc effectivement, c'est un peu le dernier épisode. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de faire une nouvelle mini-émission. Oui. Un épisode par jour, pendant un mois. Oui, si on arrive, on se très tient, court. On y arrive. Genre... 10 minutes. Max, grand max. 5 grand 10 minutes. Max. Ouais. Ah oui, il faut que les je gens le sachent. Je le découvre en même temps que je le dis. Mais non, mais parce qu'il faut qu'on l'enregistre aussi, nous. Et oui, et une émission par jour, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, 10 minutes par épisode, grand max. et on déblatère. On fait des classements. Ouais. Tout simplement. En fait, et on déblatère des tops et flops. Et on c'est l'appelle. Ça. Flop et top, et top quiz. On non, c'est pas trop. On n'est pas très bon sur le nom encore. Top quiz. Les top cruise, ouais. Les top un cruise. Un truc comme ça, sûrement. Mais moi, j'aimerais bien mettre flop et top cruise. Ah, bah, soit on l'appelle top cruise, soit on l'appelle flop cruise. Ah oui, ça dépend. Selon ce qui se passe. Oui, pas mal. Bon, titre à venir. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous dire. Et voilà, donc je vous propose. C'est ta recommandation, quoi. Écoutez ça dans le futur. Bah oui. Bah oui, ça va arriver, là, on y est. Ça veut donc dire qu'il faut rester abonné s'il vous au podcast. Il faut continuer de suivre sur les réseaux sociaux. Il faut continuer d'en parler autour de vous. Et puis du coup, ça va arriver. Il faut que nous, on se cale pour comment techniquement on fait pour enregistrer tout ça. Et puis on va essayer d'en faire. Ouais, on va essayer de faire quasiment tous les jours ou un jour sur deux. On va voir si on a ce qu'on arrive à faire. Ça dépend. Oui, ça dépend combien on enregistre, mais ça peut. Ça peut. Ça peut. Pas les week-ends, peut-être. Voilà. Hein. Donc, voilà. On va arriver. Et puis, d'ici là, vous continuez. On a dit, vous fêtez les pouces. Non, pas les pouces. Les étoiles. Sur Apple. Vous suivez sur Instagram, Twitter. Vous conseillez à tout le monde. Vous regardez PodCloud. Et puis voilà, vous vous éclatez. Et c'est nous, la en tout fin. Cas, on s'est éclaté. Ça fait un moment maintenant. C'était 41e épisode plus les hors série, les machins. On repart sur quelque chose d'autre en plus. Ça va être cool. Mais écoutez, voir tous les films des Tom Cruise, c'est peut-être le plus haut de ma réussite c'est dans la vie. Ton achievement suprême, quoi. Tous, on les a tous. On a tout vu. C'est fou. C'est vrai c'est que c'est marrant. C'est vraiment dingue. Voilà. Voilà, donc voilà, vous avez entendu les jingles pour la dernière fois. Vous avez entendu plein de choses pour la dernière fois. Nous sommes libérés de notre mission ultime qui était de voir tous ces films. Ouais. Voilà. Et on a réussi. On va se donner d'autres missions un peu plus. Possible. Plus possible. Et on va essayer de se retrouver en live d'ici un mois. On va essayer de voir comment on cale ça. Yes. Et de toute façon, ne débranchez pas le poste de radio parce qu'on sera encore là. Dans pas dans longtemps. Les oreilles. Allez, des bisous. Des bisous. J'y arriverai un jour.